à la fin, à l'alpha et l'oméga. Comme l'Esprit Saint est-il électron? Bon, tout à l'heure, justement, il y a un de tes garçons qui me disait, si l'électron peut être partout à la fois, ça veut dire qu'il y a juste un électron. Dans tous les atomes, il y a un électron. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas? C'est la génétique, la mutation, comment ça peut se passer, les parents? Alors, effectivement, il y a donc juste un électron partout dans l'univers. Il y a un électron qui est partout à la fois. Mais dans la réalité cosmique des choses, il n'y a pas d'électron. Par contre, il y aura un arrêt de déplacement à chaque fois qu'un observateur va observer. Alors, on doit faire une nuance majeure, c'est que dans l'atome, dans le système neuronique de l'homme, il y a une alliance. Une alliance entre la conscience et la science. Une alliance entre la conscience et la matière. On a vu différents prototypes de la matière, c'est-à-dire qu'on a la matière matérielle, la matière vitale, les énergies intra-atomiques, la matière astrale, la mémoire qui confine une forme aux énergies intra-atomiques, et la matière mentale qui va apparaître dans les premiers contacts entre le plan supramental d'instantanéité, l'intelligence instantanée, et l'intelligence mémorielle, l'intelligence passive, celle qui provient des mémoires de l'astral. Lorsque nous parlons d'observateur, nous parlons d'un état de conscience. Et c'est extrêmement pénible, bien souvent, pour l'humain de comprendre l'idée même qu'un état de conscience, c'est la possibilité d'associer l'instantané de la mémoire. C'est cela, un état de conscience. L'humain a la faculté de devenir un état de conscience. L'humain a donc la faculté de devenir conscient. Ça veut dire que, présentement, il n'y a pas de bruit, il n'y a même pas de vagues, d'océans qui frappent des côtes quelque part sur la planète s'il n'y a pas d'humain pour entendre, pour observer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses dans votre dos n'existent pas. Et toutes les choses que vous observez existent. Et les choses que nous observons, ce sont les choses que nous observons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, dans mon monde à moi, tout ce qui est en arrière n'existe plus. Excuse-moi. Mais que présentement, ça se met à exister. Parce que l'être humain vit sur des mondes, dans des mondes parallèles différents, et qu'il est relié dans une espèce de convention astrale qui fait partie des lois laissées par les contingences géoviques il y a de cela quelques milliards d'années, parce que l'être humain est associé collectivement dans une sphère. Il mélange les mondes de chacun, et mélangeant les mondes de chacun, dans chacun des mondes, il se retrouve, et il va se retrouver en fonction de ce que son ego va accepter de mélanger. Dans le sommeil, il acceptera des mélanges plus grandioses. Dans sa vie d'apparent éveil, il acceptera des mélanges qui seront en conformité avec ce que ses sens très biologiques, les cinq sens matériels du corps, parce qu'il y a des sens vitaliques reliés au corps vital, il y a des sens astraux, on parle de clairvoyance, clairaudience, etc. Et l'être humain va se confiner à ses sens très matériels pour décider quel genre de mélange il fera. Et là, on mélange les mondes. La matière n'existe qu'en fonction de l'observateur, de la conscience qui a la faculté d'associer l'état de conscience, l'instantanéité, avec la mémoire de l'instantanéité. Et ça, c'est l'homme qui fait le travail. L'animal a aussi une particularité de conscience, c'est-à-dire que l'animal, il sait, même s'il ne sait pas qu'il sait, et il exprime par l'instinct, la mémoire vitale, de l'énergie instantanée, ce qui va faire en sorte que l'animal saura quand chasser, quoi manger, quoi éviter, et l'animal saura comment faire un nid, comment faire ceci, comment faire cela. Il n'y a pas besoin de montrer à l'animal comment se reproduire, n'est-ce pas? Ils savent tout comment passer. Ça fait partie de l'intelligence. Présentement, vous êtes dans votre maison, eh bien, tout ce qui est dans vos pièces, ça n'existe pas si vous n'y êtes pas, ou s'il n'y a pas un observateur. Et l'être humain va dire, oui, mais chaque fois que j'y vais, c'est pareil. Donc, la pièce reste la même. Regardez ceci. Présentement, je prends un papier. Et le papier, je le place en dessous de ma cuisse. Et il n'y a plus personne dans l'univers qui peut me prouver que le papier est là. pourra peut-être pas te trouver, mais je gagerais beaucoup avec beaucoup de gens. Oui, parce que l'être humain est relié dans une forme collective. Et ça me plairait, mais ça me plairait trop, de te démontrer qu'effectivement, tu pourrais perdre aussi ta gageure. Bon. Alors, par contre, lorsque l'être humain va aller dedans sa pièce, alors gardons encore notre morceau de papier. Fais-moi pas trop rire, parce que je pourrais arriver à te... Enfin, bref, il y aurait trop d'astral dans l'air. Ça me plaît moins. Parce que l'être humain va dire, eh bien, je considère que le papier est toujours là. Il considère que le papier est toujours là. C'est ce qui a permis aux illusionnistes de s'amuser en masse. Et c'est ce qui a permis aussi à des personnes qui n'étaient pas illusionnistes, mais des vrais magiciens, de pouvoir s'amuser, mais ça dépend des gens. De ce que tu parles de la vision de la réalité, là. Non, je parle de la vision. Mais de la réalité. Bah, toi, tu as ta illusoire. Réalité. Tu peux avoir une vision illusoire. Non. Il n'y a aucune vision illusoire dans la conscience de l'homme. Il y a de l'illusion, mais ce que tu vois dans l'illusion est une réalité. Présentement, tout en arrière de toi, ça n'existe pas pour toi. Ça existe pour moi. Alors, qui a une vision illusoire, toi ou moi? Ni l'un ni l'autre. Moi, je faisais référence au morceau de papier. Là. Non. Pour l'illusionniste, par exemple, il prend le papier, le place dans une main, il fait ceci, il fait cela. Oui. Mais pour l'illusionniste, le papier, il sait où il est. C'est dans ton monde que tu ne sais pas où il est. Pourquoi? Parce que dans ton monde est tellement stéréotypé, tellement cristallisé, que dans ton monde à toi, ben, si la personne, elle prend un bout de papier, par exemple, et si elle prend le petit bout de papier, elle le met dedans une main ici, et il devrait être dedans. Ça, c'est dans la tête de ceux qui normalement vivent, et la personne, elle peut s'amuser avec son bout de papier. Ça, c'est dans la tête des stéréotypes où tu es convaincu qu'une chose ne peut pas faire autrement que de faire ce que ton ego a appris qu'elle faisait. Alors, on se dit, c'est normal que si on plante une graine, que ça pousse. C'est normal que si on plante une roche, que ça pousse pas. Farce totale. C'est le même système atomique. Dans l'une des deux, il va y avoir une prolifération. Parce que c'est conventionnellement accepté dans les contingences de loi. Jéhovah. Qu'est-ce que c'est Jéhovah? Jéhovah, ce sont des énergies supramentales qui, de première effusion, ont instauré les lois dans les contextes évolutionnaires. Les forces yaviques, ce sont les forces qui proviennent d'un plan. Jéhovah provient d'une coloration du plan supramental qui engendre de l'intelligence et une logistique implacable au niveau des forces d'évolution. Yahvé provient des plans bouddhiques qui, lui, va engendrer une coloration qui va permettre à l'être humain de supporter les contingences jéhoviques, donc de supporter les lois. Et on appellera ça l'amour. Quand Jéhovah est venu s'implanter dans le contexte planétaire, pas Jéhovah, mais on l'a personnifié, mais les forces jéhoviques à caractère législatives, quand les forces jéhoviques sont venues instaurer les lois, eh bien, ils ont engendré des lois sur lesquelles l'humain devrait vivre. Ces lois-là sont totalement codifiées au niveau des structures atomiques. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas faire au-delà de ce que l'atome peut faire. L'être humain, pendant longtemps, l'être humain ne pouvait pas se déplacer plus rapidement que 1100 kilomètres à l'heure, c'est même pas à la seconde, l'être humain ne pouvait pas se déplacer au-delà de la vitesse du son. C'était impossible, l'humain aurait éclaté. Jusqu'au jour où les sphères d'évolution atomique ont permis à l'homme de supporter un déplacement supérieur à la vitesse du son, et là, l'humain a commencé à dépasser la vitesse du son. Et finalement, aujourd'hui, on arrive, par la technologie neuronique, à déployer une science qui permet à l'homme de même dépasser 3 fois la vitesse du son, qui est relativement rare. Pourquoi? Parce que, bon, regarde bien ceci. Quand l'être humain allait plus vite que le son, l'être humain allait à, disons, 1000 km à l'heure, eh bien, son système sanguin ne fonctionnait plus, le système cardiaque ne marchait plus, le système cérébral n'étant plus alimenté d'énergie, en l'occurrence de dextrose, d'oxygène, d'hydrogène, bref, disons, de sang, eh bien, l'être humain s'en allait tout croche travers et les avions s'écrasaient. Lentement, les structures corporelles de l'homme sont devenues un peu plus efficaces, c'est-à-dire qu'on a des humains qui sont capables d'être placés dans un appareil qui les fait tourner à une vitesse folle, et l'humain reste conscient. On entraîne les astronautes comme ça. On prend d'autres personnes, on les met là-dedans, puis ils viennent aussi folles que la vitesse. Il y a aussi le véhicule qui a été amélioré pour... Le véhicule n'a rien changé. Les seules choses qu'on a... Parce que, vois-tu, il n'y a rien à faire. Même si je blinde mon avion, s'il avance, je m'écrase en arrière. Donc, on n'a aucune structure encore, présentement. On n'a pas de structure atomique, ça va venir, qui permette à l'être humain qui est à l'intérieur d'être totalement désassujetti du déplacement extérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas encore de matière permettant à l'être humain de s'asseoir, de prendre son petit verre de jus, parce qu'à un moment donné, on va arrêter de boire du jus fermenté. Et on n'a pas de structure matérielle qui permette à l'humain de partir d'un déplacement zéro à un déplacement, disons, trois fois la vitesse du son, sans être carrément écrasé dans les structures matérielles en arrière de son banc ou de son avion. Ça va venir où on aura une sphère matérielle qui va vivre dans un contexte différent au niveau atomique que nous avons aujourd'hui. Présentement, l'être humain est tellement médiocre qu'il est absolument convaincu que lorsqu'il avance en automobile, c'est lui qui avance la planète. Moi, quand je me déplace en automobile, j'ai l'impression que mes roues font tourner la Terre en dessous. Et c'est la Terre qui tourne. Nécessairement, ce qui est planté dessus s'en va avec, hein, c'est pas le choix. Bon. Et quand l'être humain aura suffisamment de conscience, d'instantanéité, d'intégrité de ce qu'il est, eh bien, effectivement, lorsqu'il va avancer à une vitesse trois fois supersonique, eh bien, c'est tout l'extérieur qui va sacrer son camp trois fois supersonique dans son monde à lui. Et là, on va se dire, les gens qui sont dehors, ils vont tous ramasser des maisons, ils vont se ramasser ses murs. Non, parce que dans le contexte de conscience des individus, c'est l'avion qui va passer. C'est pas ça que je me demande, moi, Daniel. Lorsque tu t'en vas sur la route à 50 000 à l'heure et puis tu as l'impression que tu envoies la Terre de l'autre côté, tu penses-tu aux autos qui s'en viennent en face de toi, qui vont tourner l'autre bord? Exactement. Et c'est absolument évident. C'est ce qui se passe aussi dans la réalité cosmique des choses. Pourquoi l'asphalte assuse à force d'être tiré? Non, c'est pas pour ça. Mais justement, Jacques pose une bonne question, et la question, je la ramène dans un livre que j'ai écrit qui va paraître en automne, c'est que l'être humain qui lance une balle, la balle, elle monte, elle arrête et elle redescend. Dans la réalité cosmique des choses, la balle, elle n'arrête jamais, elle continue à jamais. Mais la planète Terre, à 11,2 km à la seconde, se détache et elle part à la rescousse, donc à la poursuite de la balle. Lorsqu'elle rattrape la balle, on a l'illusion que la balle se ralentit. Lorsqu'elle voyage à la même vitesse que la balle, on voit la balle fixe en haut qui ne bouge plus. Elle repart sur le bord de la balle et elle va se stabiliser en avant de la balle, lentement, et on a l'impression que la balle revient vers le sol. Mais en réalité, c'est la Terre qui court après la balle. Et dans le livre, je pose la question, qu'arrive-t-il si deux personnes lancent deux balles différentes à deux points opposés de la planète Terre? La Terre va courir quelle balle? Elle court les deux balles. C'est vraiment pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas sur la même planète. On est connecté astralement dans des mondes parallèles où on a l'illusion d'être ensemble ici. On n'est pas sur... On a chacun nos propres mondes. T'sais, regarde ceci simplement. Regardez l'idée qu'on peut se faire d'un monde. Vous êtes dans votre maison avec une personne et vous dialoguez avec elle. Hein? Présentement, nous dialoguons ensemble. Bon. Alors, nous parlons. Énergétiquement, il y a un dialogue. Bon. Alors, je discute avec une personne et puis elle s'en va prendre une automobile, prend un taxi, elle s'en va après ça voir une pièce de théâtre. Je suis dans la maison, je discute avec la personne, c'est notre monde, nous sommes là. Et là, la personne, elle s'en va. Et mon monde reste mon monde avec une partie de son monde en moins. Et la maison devient calme. Je regarde par la fenêtre, je la vois arriver, elle placote avec le voisin en bas. Je suis totalement dehors de son monde. Je n'entends rien, je ne vis rien, je ne vois rien. Mon monde, il est là, dans la maison. Et observateur de d'autres mondes. Elle prend le taxi et elle part. Mais sa vie reste aussi intense que la mienne dans ma maison. Mais je ne peux plus connaître sa vie. Pourquoi? Parce que visuellement, je n'ai plus auditivement, je n'ai plus les contacts sensoriels qui permettent à mon âme de s'associer dans son monde et de l'implanter dans le mien. Alors, une personne qui devient hautement télépathe, va maintenant se servir d'un sens vitalique qui va permettre à l'individu de se rejoindre collectivement le monde d'un autre, de l'implanter dans le sien, alors il vivra comme si l'autre était là, ce que l'autre vit. Il pourra goûter, il pourra trouver ça bon, regarder des choses, on aura le même monde. Nous vivons sur des mondes absolument différents, il n'y a pas un être humain qui vit dans le même monde. Alors voilà. Et aujourd'hui, la science va développer des choses comme les pantalons anti-choc, qui sont utilisés dans les avions de chasse, etc., pour permettre justement au corps physique, qui n'est pas encore assez évolué, de supporter le poids de l'accélération, parce qu'à un moment donné, on en arrive à une gravité de 6 fois le poids normal de l'humain. Quand un avion de chasse décide d'aller visiter le soleil, le corps physique, ainsi que le cœur, ainsi que le sang, se ramasse, si je pèse, moi, 100 livres, quand je fais cela, je monte à 600 livres de poids. Et le corps n'est pas habitué à pomper du sang qui pèse 6 fois le poids normal. Alors, on a inventé des pantalons de choc et un paquet d'autres petites choses. Mais c'est pas la structure de l'avion qui a changé. Les ailes tiennent plus. C'est intéressant. Daniel, si ton enseignement n'est pas ésotérique, parapsychologique, philosophique, etc., qu'est-ce que c'est? Comment le nommes-tu? Moi, ce n'est pas de l'enseignement. Moi, j'ai une grande gueule et je parle. Mais ce n'est pas un enseignement. Je décris des choses. Quel sens donnes-tu au mot cartésien, en plus, évidemment, du bonhomme des cartes? Le cartésianisme, donc, nécessairement, ça part de Descartes, qui le premier a essayé de mettre plus mathématique ou de mettre plus logique certaines choses, quoique dans sa logistique, il ne pouvait faire autrement que d'être coloré par son intuition. Le cartésianisme, du point de vue de la conscience humaine, c'est tout ce qui fait référence à la possibilité qu'ont les sens et qu'a l'ego de vérifier par ses sens des choses. Ça, c'est le cartésianisme. Alors, si on parle de la science chimique, c'est du cartésianisme. Si on parle de l'astrophysique, là, on commence à mélanger l'intuitif, et le cartésianisme. Ou l'astrophysicien, de même que les physiciens nucléaires, vont faire référence à une grande partie de leur intuition tout en travaillant du point de vue cartésien. Le cartésianisme dans la conscience de l'homme, c'est la faculté qu'a l'homme de vérifier les choses d'une façon mathématique avec des appareils qui vont augmenter la sensibilité de ses sens, comme un microscope augmente la sensibilité de l'œil, un télescope, même chose, et il va vérifier donc à partir de ce que ses sens pourront capter. L'intuitif, à l'inverse, c'est une personne qui aura la faculté d'accepter des choses sans les vérifier à partir des sens matériels. Dans la conscience évolutive de l'homme, on a un cerveau cartésien et un cerveau intuitif, qui n'est pas nécessairement le droit ou le gauche. Les deux cerveaux, les deux hémisphères cérébrales sont et cartésiens et intuitifs, mais ce qui va arriver souvent, c'est qu'une partie de l'ego va développer le système cartésien plus dans un hémisphère que dans l'autre, et l'intuitif plus dans l'autre que dans le premier. L'intuitif est celui qui va amener dans la matière, dans l'expérience évolutive de l'homme, une perception colorée par son ego, une perception qui prendra naissance à travers l'enveloppe, la membrane péristritique de l'âme. Et le cartésien est celui qui va mener la même explication, c'est-à-dire l'explication différente du même univers, mais à partir de l'enveloppe qui permet vitalement de supporter les sens physiques. Les deux vont expliquer l'univers, l'un d'une façon tactile, oculaire, olfactive, auditive ou gustative, tandis que l'autre va l'expliquer à partir de ce qu'on pourra appeler une perception, une survision. Et on aura donc, dans la visualisation d'un monde, deux explications totales qui seront relativement différentes. Celle de celui qui voit la montagne et qui en calcule la hauteur, ou celui qui étudie la rose avec la géométrie, mais qui ne connaîtra jamais le papillon, et celui qui va étudier la rose à partir de l'impression astrale ou émotive que la rose va faire chez lui, et lui pourra dire « la rose est belle », l'intuitif. Le cartésien dira « la rose est le temps de pétale », ce sera plutôt mathématique. Et on aura lentement l'explication très cartésienne de la science, de notre univers, et on aura l'explication très intuitive, théologique, de notre univers, et on aura donc deux mondes totalement différents, où on aura la science religieuse, ésotérique, occulte, parapsychologique, etc., et les sciences plus cartésiennes, donc scientifiques, où on vérifie, où on semble vérifier. Et nécessairement, c'est l'alliance des deux hémisphères cérébrales qui va permettre la naissance atomique d'un troisième cerveau qui va permettre à l'être humain d'avoir une conscience intuitivo-cartésienne en même temps d'avoir une conscience instantanée des choses. Quelle est l'intelligence cosmique des McDonald's, de la malnutrition? Premièrement, McDonald's nourrit très, très, très, très bien son monde. Si on va faire un tour dans les pays sous-développés, on peut se rendre compte que s'il y aurait des McDonald's là, les gens seraient drôlement mieux équilibrés du point de vue de l'aliment. McDonald's est une solution, ainsi d'ailleurs que... et toutes les autres chaînes alimentaires, C'est une solution planétaire à l'évolution de la conscience supramentale dans l'homme. Il n'y a rien de plus imbécile dans un contexte évolutif comme le nôtre que de rester un prédateur. Je l'ai déjà parlé en conférence. Nous devons continuellement perdre une grande partie de notre temps à alimenter notre corps physique. Lorsque l'être humain arrive à une conscience vibratoire nuancée, plus évoluée, on parlait des structures atomiques des atomes neuroniques tout à l'heure, eh bien, il vient un temps où la rapidité avec laquelle l'impression dans le corps de l'âme va se faire va de plus en plus être agrandie. Ça va devenir de plus en plus rapide. L'être humain sera de plus en plus impressionnable du point de vue de l'âme, du point de vue de l'émotion et de la mémoire. Cela engendrera de plus en plus de désirs qui nécessiteront de plus en plus de rapidité d'expression pour être satisfait. Cela va faire en sorte que plus l'être humain va évoluer, plus il aura besoin de temps et plus il voudra faire vite, de façon à exprimer ce qui le transmute. Nécessairement, l'une des grandes parties de l'aberration évolutive dans un contexte planétaire comme le nôtre, où nous sommes confinés à évoluer à travers des véhicules atomiques, comme les corps physiques, c'est nécessairement d'apporter de l'énergie au corps physique. La première énergie que l'homme a besoin, c'est de l'énergie vitale qui provient de la planète Terre. Étant donné que l'être humain est constitué de minéraux provenant de la planète Terre, pour que les minéraux conservent leur forme atomique, l'être humain doit les nourrir d'énergie vitale qui va pouvoir soit remplacer la forme atomique, soit remplacer carrément le minéral. Donc, l'être humain doit manger à même le sol, de la terre, de la roche, et des choses comme ça. Étant donné que l'être humain a une forme évolutrice vitale trop développée, il devra manger ce qui mangera les minéraux. Et nécessairement, les plantes qui sont plus évoluées mangent les minéraux. Les herbivores plus évolués que la plante, moins que le carnivore, mangent les plantes. Les carnivores plus évolués que l'herbivore, moins que l'homme, mangent les herbivores. Et si l'on prend conscience d'une chose, l'homme ne mange que des herbivores dans la majorité des systèmes d'évolution. Quand on n'a pas le choix, on mange ce que l'on peut, même de l'homme. Mais présentement, nous mangeons quoi? Nous mangeons du poulet, nous mangeons de l'agneau, nous mangeons du bœuf. Nous ne mangeons pas de loup, nous ne mangeons pas de lion, nous ne mangeons pas de renard, nous ne mangeons pas de carnivore. Nous avons besoin d'énergie plus proche de la nature et nous allons donc manger, comme le carnivore le fera, nous allons nous contenter de manger que des herbivores, ou des granivores, ou des frugivores. Mais nous ne mangeons pas de carnivores. À part dans des pays où on n'a pas le choix, où on mange des chats ou des chiens. Des chats, oui, puis des choses comme ça. Mais, bon, normalement, on mange du poulet. Le McDonald's, qu'est-ce que c'est? Le McDonald's, c'est la solution évolutrice à toutes les sphères nord-planétaires qui ont besoin de se dissocier de l'aberration évolutive rattachant l'animal humain, de la nécessité absolue de prendre les trois quarts du temps de sa vie à la recherche de la nourriture et à s'alimenter. Toute la substance que nous connaissons du point de vue industriel ou du point de vue des facilités de luxe qui à la longue deviennent une nécessité parce que ce n'est plus un luxe, toute l'évolution sociale que nous connaissons aujourd'hui nous permettant d'avoir du temps et de la matière, on pourrait appeler ça de l'argent, mais aussi des locaux, des véhicules, des forces matérielles, pour nous permettre d'évoluer. Savez-vous que pour inventer des appareils qui nous permettent de savoir qu'est-ce que contient de l'eau, analyser nos aliments, pour nous permettre de créer une philosophie de l'alimentation, ça a nécessité du temps et des heures en temps de travail humain énorme, qui n'aurait jamais pu être appliqué dans le contexte planétaire si on n'aurait pas inventé au préalable un système d'alimentation hyper rapide permettant à l'être humain de mettre plus de temps dans son travail évolutif et dans son travail d'instauration d'une société plus technocratique que dans la recherche de l'alimentation. D'où l'intelligence sous-jacente à l'évolution de bétail. Oh, ça crée toujours des effets secondaires. Où on dit que dans la viande McDonald's, c'est 100% de bœuf, c'est vrai que le bœuf dedans à la viande est 100% bœuf. et que le blé mélangé est 100% blé, etc. Mais c'est extrêmement bien. Il y a des gens qui se plaignent, oui, mais gars, le bœuf, ils mettent des céréales dedans. On veut être végétarien, puis on chiale. Bon, ils mettent des céréales dans le bœuf. Absolument génial. Alors, il y a énormément d'intelligence sous-jacente au système d'alimentation qu'on appelle fast-food. L'humain ne devient pas malade parce qu'il mange des fast-food, de la nourriture rapide. L'humain devient malade parce que lui est fast-food, mais pas parce qu'il mange des nourritures comme ça. Manger un burger très, très, très tranquillement chez vous, près de ton barbecue, puis le manger dans une chaîne McDonald's, pas grand nuance. Par contre, on va dire, oui, mais celui qui va dans la chaîne, il est stressé, il a ceci, il a cela. Absolument génial. Changeons l'être humain et continuons à manger ce qu'on nous sert. Vous savez qu'à un moment donné, on devra absolument arriver, et ça existe dans un des futurs possibles, où l'être humain ne mangera que des pilules. Bon, tu n'aimes pas la bleue, tu prends la verte. Mais on ne mangera plus de viande, on ne mangera plus de légumes, on ne mangera plus de graines. Bon, et ça existe déjà dans un avenir possible. Ouais. Et pourquoi? Simplement parce que l'être humain va finir par se dissocier de la structure de prédateurs, et ceux qui sont végétariens tuent, comme celui qui est carnivore. Ils tuent la même chose, la même affaire. Mais au niveau carnivore, de ce que tu parlais tantôt, Daniel, pour atteindre une accélération au niveau chimique, passer du niveau chimique au niveau électrique, il faut que l'individu mange de la viande, génétiquement parlant. L'individu qui mange de la viande mange du sang. Celui qui mange du sang nécessairement absorbe des hormones qui étaient contenues dans le sang de l'animal qu'il va manger. Absorbant des hormones, il va les digérer, mais de toute façon, il y a une transmission de l'onde vitale de l'hormone qui va être absorbée par l'être humain. Et cela va engendrer des réactions très atténuées, similaires à ce que l'hormone aurait déclenché chez l'humain. Donc, celui qui mange de la viande, nécessairement, absorbe une partie de l'expression amique de l'âme, psychologique donc, de l'animal qu'il va manger. Alors, si on tue une vache, et la vache sait qu'elle va mourir, elle a extrêmement peur, elle sécrète des hormones, et elle peut même sécréter des toxines, et nous allons manger cela, et nécessairement, nous allons manger de la peur. C'est-à-dire que notre corps physique va réagir lentement à l'onde de forme de l'hormone de la vache, et ils nous auront, lentement, nous deviendrons une société paranoïaque. Et ceux qui mangent de la viande sont paranoïaques. Alors, tous les peuples qui ont mangé de la viande sont devenus des peuples de guerre, des peuples qui ont eu peur de se faire envahir, qui ont envahi, des peuples qui se sont chicanés, qui se sont disputés, qui se sont tués, qui se sont carrément déchirés à l'intérieur. Par contre, plus tu manges de viande rouge, en l'occurrence, plus tu absorbes donc des expressions astrales. Occultement, ils ne savent pas trop ce qu'ils disent, mais ils disent quand même si c'est proche. Ils vont dire, tu manges, tu dois supporter le karma astral de l'animal que tu manges. C'est vrai. Par contre, plus tu manges de ce genre de choses, plus tu dynamises ton âme. Plus tu dynamises ton âme par l'expression hormonale de ton corps physique, plus tu engendres des mémoires. Plus cela va développer le désir, plus cela développe le désir, plus tu veux faire la guerre, plus tu veux avoir de la matière, manger mieux, bon. Et cela oblige nécessairement l'ego à développer le plan mental de l'homme pour arriver à une logistique, à une efficacité, et développant le plan mental de l'homme, cela désassujettit l'homme, même s'il est guerrier, du végétarien qui est végétarien et qui foire carrément du point de vue de l'évolution, et cela permet à l'être humain de devenir un être humain qui va vivre tellement des désillusions qu'il va arriver à vivre dans une société, on l'a vu, de paranoïaque, mais où il deviendra facilement écœuré d'être écœuré, et lentement ça le branche avec un contact supramental qui est nécessaire, qui nécessite le plan mental développé, et il y a un ajusteur de pensée. Donc, celui qui mange, les sociétés qui ont mangé de la viande, en l'occurrence, le contexte nord-planétaire, sont présentement les schémas évolués et, disons, génétiques les plus évolués du point de vue de l'intelligence supramentale sur le contexte planétaire. Mais à l'occasion, pour prendre un break, il est bon de devenir végétarien. Enfin, on devient végétarien seulement au niveau d'une cure ou d'une thérapie. Mais on ne peut pas venir végétarien du point de vue philosophique. C'est évident qu'un corps physique qui finalement rejette la viande, lui, il est prêt à être végétarien. Et peut-être que dans 10 ans, il aura besoin d'un modèle steak. Peut-être que non. Mais celui qui en fait une philosophie n'a absolument rien compris à ce que l'atome au niveau de son corps a besoin. L'être humain va regarder, il va dire, oui, mais je mange de la viande. Il y a ceci qui est toxique, la viande peut-être ne se digère pas totalement dans mon tube digestif. Il y aura des toxines, il y aura le support karmique de l'animal que je vais manger. C'est pourquoi les Juifs vont faire plus attention, par exemple. Mais l'être humain va dire, si je mange des végétaux, et en même temps, d'autres vont nous vanter le mérite des végétaux, pas ceux qui sont en plastique, d'avoir de l'émotion, d'être capable de reconnaître un criminel. Alors, quand on tue un végétal, tu arrives avec ta grosse moissonneuse batteuse devant tous les végétaux qui sont là. Le dernier là-bas, il est stressé, c'est bon. Mais il n'y a pas d'hormones dans le végétal. Alors, nécessairement, tu ne pourras pas manger autant, tu ne pourras pas supporter le karma du champ de blé autant. Par contre, il y a de l'énergie vitale dans le végétal. Et moins rapidement que du point de vue biologique animal, tu vas quand même supporter un peu le karma. Ce qui va te faire évoluer, mais plus lentement que celui qui mange de la viande. Par contre, je reviens encore une fois là-dessus, lorsqu'un individu a lorsque le corps est rendu à un niveau où il ne veut plus être un prédateur biologique, lorsque le corps est rendu à un niveau, lorsque la structure atomique n'a plus besoin de l'énergie atomique de l'être évolué que tu viens de manger. La vache est quand même plus évoluée que l'herbe qu'elle mange. Alors, tu ramasses cette énergie, la vache, elle prend l'énergie de la planète Terre, qui est l'énergie des végétaux, qui est l'énergie tellurique du sol et yam solaire du soleil, et elle le mange. Le mangeant, elle le transforme en viande, elle le transforme donc en énergie atomique différente. Oh, c'est les mêmes végétaux que ce qu'il y a dans la plante. On l'a vu tout à l'heure, un atome, on met un électron là, on change ceci, on prend un atome, on le met avec un autre atome, ça crée une autre molécule. Mais c'est la même chose. C'est transformé. Mais nous n'avons pas la capacité de le faire. La vache, elle l'a. Alors la vache, elle le fait, puis quand elle l'a bien fait, on mange la vache. Par contre, nous avons la faculté de prendre les choses dans la vache et de les amalgamer ou de les transformer, de les alchimiser pour que nous puissions nous en servir. Et de temps en temps, on rajoute des légumes, des fruits, parce que ceux-là ont certaines choses que nous pouvons assimiler. Mais la majorité des êtres humains qui évoluent ont encore implicitement besoin de viande. De temps en temps, on élimine les viandes qu'on ne digère pas, et de temps en temps, on va bien la digérer, pour la simple raison qu'on fait faire par une humanité animale une grande partie du travail de notre propre évolution, et on les mange. C'est pas seulement qu'un niveau de protéines, c'est aussi un niveau caché, un niveau... La protéine, c'est une structure atomique qui conserve une forme vitale particulière, et c'est la forme vitale que tu as besoin. La protéine, ça n'a pas besoin de partout. Mais seule la forme de la protéine contient la forme vitale qui fait que la protéine est protéine. Comme les minéraux. Tu manges du fer, puis tu rejettes du fer. Puis tu manges du fer pour remplacer le fer que tu rejettes. Faut le faire. Il n'y a rien de plus con. Pourquoi tu ne gardes pas le fer? C'est comme faire ton lit le matin. Ben oui, faire ton lit le matin pour le défaire le soir. Mais pourquoi on ne garde pas le fer? Parce que nous prenons atomiquement l'énergie de la molécule de fer, nous l'oxydons pour la libérer, l'oxygène est implanté dessus, et par la suite, nous devons le rejeter parce qu'il n'est plus convenable, il n'a pas l'énergie du fer à l'état natif, le fer qu'on va pouvoir bouffer. Lorsque deux êtres... rendre d'un point à un autre point. Mais s'il n'y a qu'un seul électron, en réalité, il n'y a pas d'électron. Alors, on parlait d'observateur. Lorsque l'observateur, qu'est-ce que tout à l'heure j'ai expliqué que c'était un être humain, un phénomène qui avait une particularité de conscience, l'être humain a conscience de sa conscience, il peut être observateur de lui-même, observateur de l'observateur. Un état de conscience, c'est lorsque l'instantanéité est reliée à la mémoire de l'instantanéité et que les deux s'associent ensemble et s'assujettissent. Lorsque l'être humain observe une mémoire et qu'il l'observe instantanément, il bloque le déplacement. Bloquant le déplacement, il engendre la matière. Engendrant la matière, dans le contexte de l'observation électronique ou atomique, la matière engendrée est un électron. Alors, autrement dit, il y a un déplacement fou autour de moi. Et lorsque je prends une photo de déplacement fou, je vois quelque chose. Il y a le rayon d'une roue et la roue tourne. Elle tourne à une vitesse telle que finalement je vois un halo mystérieux dans la roue. Et si je viens pour placer ma main là-dedans, je ne peux même pas la rentrer, ma main. Si elle tourne suffisamment vite, ma main va simplement toucher quelque chose qui tourne, mais elle ne pourra pas rentrer entre les rayons. Alors, si ça tourne suffisamment vite, je vais même lancer une flèche et la flèche va rebondir. Elle ne peut pas traverser. Essaye avec une hélice d'avion, tu vas voir. Par contre, la flèche se casse parce qu'elle est propulsée trop rapidement. Mais ce n'est pas parce qu'elle est coupée par l'hélice. Elle ne rentre pas dedans. Ce n'est pas le temps. Elle tourne trop vite. Alors, une hélice d'avion, mais encore mieux qu'une roue, ça devient un mur. Et ce mur, eh bien, si je prends une photo, je verrai une pâle. Et l'être humain va dire, la pâle, elle a été là à un moment donné. Oui, elle était partout. Mais à un moment donné, tu devras arriver à avoir un appareil photo qui va de plus en plus prendre conscience rapidement de l'hélice pour arriver à la figer nettement. La conscience de l'homme est donc l'association d'un phénomène instantané avec la mémoire de l'élément instantané. On a des mémoires d'instantanéité totalement dissocié de la vision instantanée, et ça crée une conscience colorée par l'astral, la conscience amique, la conscience égoïque que l'homme a depuis le début de l'évolution de l'homme. Lorsque l'être humain entre dans une conscience supramentale, il y a donc une structure atomique qui change. La rapidité de présence ou de plurilocalisation des systèmes atomiques fait en sorte que l'être humain est capable de prendre une photo plus rapide. Alors, au lieu de voir un hélice flou, eh bien, ou encore, au lieu de voir l'hélice commencer à tourner à l'envers, ce qui arrive souvent, elle tourne dans ce sens-là, lentement, le mouvement semble arrêter, il arrête, et il repart à l'envers, dans le visuel. Ah, ça, c'est le monde illusoire de l'homme. Lorsque l'être humain arrive à avoir une conscience plus localisée, plus instantanée, il voit une chose. Mais ce qu'il voit dans le déplacement de l'électron, l'électron est une couverture totale qui recouvre totalement un noyau. Lorsque l'être humain voit un électron, c'est qu'en réalité, il vient de prendre une photo dans sa conscience d'un moment de déplacement et il engendre la matière. Mais en réalité, il n'y a pas d'électron, il n'y a pas d'atome, il n'y a même pas de matière. C'est amusant. Je vais poser ma question, je vais te la poser tout de suite. Ce que tu viens de décrire, l'hélice qui a une forme, disons, qui couvre une superficie relativement très petite comparée avec la superficie lorsqu'elle tourne. Et lorsqu'elle tourne, justement, elle densifie la tournant à une vitesse assez rapide, suffisamment rapide, densifie la superficie de son extrémité. Comme tu dis, les flèches ne passent pas, balles de fusée, ainsi de suite. À ce moment-là, est-ce qu'on peut faire le parallèle suivant, dire, Daniel, que cette hélice hausse son taux vibratoire par la rapidité, par la vitesse, et que l'homme peut faire la même chose en haussant son taux vibratoire. Il a accès à plusieurs atomes qui couvrent jusqu'à la dimension de l'univers, si on veut, qui le rendrait jusqu'à à l'omniprésence, l'omniscience, ainsi que l'omnipotence. Oui, c'est ce qui va arriver. Vois-tu, l'omniprésence existe dans le plan supramental, l'omniscience existe dans le plan bouddhique, et puis l'omnipotence au niveau du plan intentionnel. Alors, on a donc l'omniprésence au niveau du plan supramental, l'omniscience au niveau du plan bouddhique, ou du plan, disons, le deuxième palier des cieux, et l'omnipotence au niveau du plan. Ceux qui ont prêté à l'Église depuis longtemps, omnipotence, c'est pouvoir tout faire, omniscience, c'est savoir tout, et omniprésence, c'est être partout. L'énergie supramentale est partout. Lorsque l'être humain a une conscience supramentale, donc lorsque son système atomique au niveau des neurones est capable de conserver la mémoire du passage de l'énergie supramentale et de l'exprimer, soit de la réfléchir, ça colore l'ego, ça engendre des théologies, ça engendre une science disons intuitive, mais quand même, ou de l'exprimer, soit par le centre laryngé ou encore par d'autres phénomènes locomoteurs, l'être humain a accès maintenant à tout. Par contre, il ne peut pas tout comprendre tant qu'il n'a pas accès au plan bouddhique, qui, lui, va être capable de faire une alliance très harmonieuse entre les choses intelligencées et exprimées par la force supramentale. Mais il ne peut pas encore tout changer. Il pourra changer des choses du point de vue des petites choses, c'est-à-dire que l'être humain qui a une conscience supramentale est capable de changer toute la vocation astrale des sphères du monde de la mort. Donc, l'être humain qui a une conscience supramentale a la faculté de pilonner le monde de la mort de façon à changer la vocation des dieux, de façon à instruire les dieux, de façon à instruire les archanges, les anges, toutes les forces qui servent de système volitif à l'humain. Celui qui a une conscience bouddhique a la faculté, lui, de tout savoir. Et il est encore capable de changer les choses du point de vue d'une galaxie. Par contre, il n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout. Il n'a pas la faculté de créer les mondes. Lorsqu'il arrive au contexte divin, au contexte intentionnel, donc lorsqu'il arrive à cette troisième sphère des cieux, la dernière d'ailleurs, là, il devient omnipotent et il peut tout. Maintenant, quand on dit « il peut tout », ça veut dire que s'il y en a un qui décide de créer un monde, l'autre décide de le détruire. Non, rendu à ce niveau-là, ils sont le même. Alors, en partant, ils peuvent tout se permettre, vu que de toute façon, ils veulent toute la même chose. Pouvoir sur la matière, mais intelligent. C'est pas le pouvoir sur la matière. L'omnipotence, c'est pas le pouvoir sur la matière. On n'a pas besoin d'être omnipotent pour avoir le pouvoir sur la matière. Tout ce qu'on a besoin pour avoir le pouvoir sur la matière, c'est d'être conscient. La matière, c'est la plus vile expression de l'énergie. Et l'énergie est la plus vile expression de ce que je peux appeler la supra-énergie. L'omnipotence, ce n'est pas d'avoir le pouvoir sur la matière. L'omnipotence, c'est de pouvoir tout créer, de pouvoir tout gérer, de pouvoir tout faire, de pouvoir tout supporter, et de pouvoir tout éliminer, sans aucun karma, sans problème. Celui qui est omnipotent peut, par exemple, décider du milliardième de seconde au lendemain de détruire l'univers. On n'est plus là personne. Il n'y a aucun karma. Est-ce que l'individu qui a fait son corps de lumière a atteint ce niveau? L'individu qui a fusionné son double éthérique, donc qui a son corps de lumière et qui l'a fusionné à lui, a le pouvoir sur la matière. Mais il n'est pas omnipotent. Il a le pouvoir sur la matière dans l'univers où il l'a fabriqué. Dans le système atomique. Il a fabriqué son corps de lumière. Voilà, je vais m'embrouiller encore un peu. Mais il n'est plus dans ce système-là. Celui qui a un double éthérique, qu'est-ce que c'est? Premièrement, l'être humain a une âme et il y a un ego à l'intérieur de l'âme. Lorsqu'il a un contact avec un ajusteur de pensée, lentement, l'ego se fait fragmenter en morceaux et ça engendre une prolifération d'énergie vitale. Et lentement, il y aura dans l'énergie vitale qu'on appelle le plan moronciel, un plan transitoire entre la vie et la mort, il y aura la recréation énergétique de la structure atomique de tous les atomes constituant le véhicule planétaire. Le véhicule planétaire ayant un système endocrinien détermine l'âme qui l'habite. Et ayant un système neuronique particulier déterminera aussi la conscience qui va l'habiter. Et on a un double ici. Lorsque l'être humain meurt de son corps physique, l'âme ne gagne pas le monde de la mort s'il a un double éthérique de constitué. Pourquoi? Parce qu'il est attiré par la lumière de son double éthérique et il gagne le double éthérique. Il est mort physiquement, mais il ne meurt plus. Il devient donc un être immortel du point de vue du monde de la mort, même si le corps physique, le véhicule, peut s'en aller. Lorsque l'être humain dans son corps physique arrive à une énergisation suffisante, il va attirer le double éthérique vers lui, et on appelle cela la fusion. Il vient un temps dans la conscience évolutive de l'homme, je vais faire un atome un peu plus gros, où l'électron qui chemine ici, où l'être humain dans son évolution de conscience, et cela c'est par poser des questions, recevoir du neuf, chercher. C'est souvent, pour l'être humain aussi, souffrir, parce que ça fait partie des phases de la négoïsation. Lentement, notre électron ici va voir son schéma énergétique augmenter. Par contre, en même temps, le noyau voit son schéma énergétique augmenter. Ce qui fait que, si seulement, comme dans la structure actuelle de la chimie et de la physique, on augmente le potentiel énergétique de l'électron, il change d'orbital et il s'éloigne. Si on augmente le potentiel du noyau, cela va ramener notre électron vers un autre orbital. Si, et c'est ce qui va arriver dans c'est ce qui arrive dans la conscience actuelle d'une grande partie des humains du contexte nord planétaire, c'est que potentiellement l'énergie est augmentée au niveau du noyau et de l'électron. Ce qui veut dire que lentement, notre électron ne peut pas changer d'orbital, Le noyau, donc, ne change, ne n'attire pas ou ne laisse pas aller notre électron. Et cela engendre un atome qui contient en énergie beaucoup plus que le même atome dans un corps traditionnel ou dans le corps de la matière. Cela veut dire que textuellement, tu ne changes pas. Alors on va dire, oui, mais la mutation, elle est où la mutation? La mutation, elle est dans le système atomique ici, mais ça ne paraît pas. Lentement, tu continues d'augmenter ton potentiel d'énergie et lentement, tu vas commencer à tirer ton double éthérique qui n'est que de l'énergie rejetée par la destruction de l'ego, engendrant une âme pure. Et lorsqu'une double commence à se rapprocher de ton corps physique, tu as donc une fusion éthérique, fusion avec ton double. Tu as accès à la science supramentale, tu as accès à la présence supramentale qui est créationnelle, mais surtout, tout ton corps physique devient différent. On parle de corps de lumière en ce sens que tellement d'énergie, sans changer la forme du corps physique, alors à ce niveau-là, une balle de fusil va s'aplatir sur toi parce que l'électron tourne une vitesse tellement puissante que tous les électrons qui constituent la balle de fusil n'ont pas la rapidité suffisante pour s'immiscer à l'intérieur de l'atome corporel d'un être qui a un corps de lumière. Et nécessairement, la balle ne peut faire autrement que rebondir ou s'aplatir. Le corps physique devient absolument indestructible. Maintenant, il y a un autre avantage. Étant donné que l'énergie de ce système atomique ici est tellement puissant, il a la faculté, il a ce que les physiciens de l'atome recherchent, il a suffisamment d'énergie et de vitesse pour pouvoir transmuter la matière. On va essayer, par exemple, de greffer un neutron à un atome, et pour ça, il faut une quantité de neutrons, il faut une quantité de probabilité, on les place dans un monde particulièrement fermé, disons Bécher nucléaire, qui est un cyclotron, et on va finir avec une certaine dose d'énergie, alors on doit mettre des champs électromagnétiques pour accélérer l'électron, pour lui donner une vitesse X qui va lui permettre de s'associer. Pourquoi? Parce que lorsque deux protons s'approchent l'un de l'autre, on sait d'une façon atomique qu'ils vont se repousser. Par contre, ces deux protons arrivent à une vitesse tellement folle l'un vers l'autre, ils vont aplatir les champs électromagnétiques qui les repoussent, et ils vont arriver à une proximité telle qu'il y a une force la plus forte de la création, la force forte, qui va les agglomérer. Et là, ce qui les repousse, une force extrêmement faible, et ils sont maintenant associés. L'homme qui a un double éthérique constitué et qui a une fusion avec son double éthérique a une vitesse électronique telle qu'il peut facilement transmuter la matière, c'est-à-dire qu'il pourra associer les particules subatomiques selon la volonté intentionnelle de sa conscience supramentale. Alors, il a effectivement le contrôle sur la matière. Mais c'est un contrôle absolument banal. Tu fabriques du pain alors que tu n'as plus besoin de pain pour manger. Tu sais? Bon, rendu là, c'est... OK. Habituellement, Daniel, on parle de corps de lumière lorsque on fait référence aux Nazaréens parce que, disons, on nous l'a décrit, on a décrit son corps de lumière, on a même mentionné qu'il a dit à quelques individus de ne pas s'approcher parce que, justement, son corps est atomique, on sait que c'est pour ça. Et on sait que plusieurs initiés ont laissé, après leur mort, c'est-à-dire... lorsqu'on a ouvert les tombes, il n'y avait plus personne dedans, de la même façon que le Nazaréen, et on estime une quantité d'environ plusieurs personnes, un millier peut-être. Mais si on parle, par exemple, de l'individu qui, on sait qu'à Hiroshima et Nagasaki, il est sorti, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est 72 ou 76 personnes vivant à travers la bombe atomique qui ont haussé leur taux vibratoire de façon instantanée, et puis qui étaient au même niveau que la bombe atomique était. Alors, leur taux d'atomes qui composent leur corps physique a augmenté, selon moi, selon mes ressentissements, le même niveau que le Nazaréen aurait augmenté pour une période, non, disons, de temps X, ou presque, du moins, il était à un niveau de lumière. Non plus. Non plus. La bombe atomique n'a pas atteint le niveau de lumière. D'abord, atomique, c'est de l'énergie qui qu'on déplace. Il y a effectivement un phénomène lumineux qui sort de la bombe nucléaire, la bombe atomique. La lumière, elle peut détruire les yeux, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'elle rend aveugle, et puis ce n'est pas ce qui est le plus important. L'effet destructeur de la bombe nucléaire va provenir premièrement du choc lorsqu'elle explose, comme une bombe conventionnelle, et deuxièmement de la chaleur qui va brûler et qui va mettre le feu, et troisièmement des particules radioactives, en l'occurrence alpha, bêta et gamma. Et là, l'être humain, c'est, on parle de lumière, bon, c'est une expression d'un rayonnement ionisant, qu'on appelle la radioactivité, mais on ne parle pas encore de photons. On parle plutôt de particules subatomiques, surtout de neutrons, disons, qui sont libérés. Et on peut parler de certaines autres particules, on parle d'alpha, bêta ou gamma. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé simplement que la bombe nucléaire, celle qui a sauté à Nagasaki, qui est extrêmement, c'est gros comme une tête d'allumette comparativement à ce qu'on peut faire aujourd'hui, quand on parle de bombes hydrogène, des bombes à fusion, alors qu'à Nagasaki, Hiroshima, c'était une bombe à fission nucléaire, c'est totalement différent. On divisait simplement l'atome, tandis que là, on l'agglomère pour fabriquer d'autres choses, de l'hydrogène entre autres. Alors, lorsque nous parlons de la bombe de Nagasaki, d'Hiroshima, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé simplement que le système, que tout ce qui avait été exprimé du point de vue énergétique, qui précède le rayonnement bêta, gamma et alpha, et qui précède aussi en rapidité le phénomène de la chaleur, mais qui va suivre, enfin, qui va à la même vitesse que le phénomène de la lumière, ce qui est arrivé, c'est que ce système-là est venu non pas rendre radioactif, c'est une forme de radioactivité. J'ai déjà expliqué en conférence que s'il y avait une guerre nucléaire à l'échelle planétaire, une guerre nucléaire globale, cela servirait à l'évolution de l'humanité, en ce sens que cela permettrait à plusieurs êtres humains d'arriver à augmenter leur taux atomique vibratoire à un point tel qu'ils auraient une conscience supramentale quasiment instantanée et qu'ils finaliseraient leur mutation dedans de quelques secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passe simplement que les particules vibratoires vont venir, mais je ne parle pas des particules matérielles, je ne parle pas du rayonnement ionisant qui vient rendre radioactif ce qu'il va toucher, en l'occurrence donc qui vient ioniser. Je parle d'un phénomène énergétique qui précède le phénomène ionisant et qui vient, lui, accélérer toute la structure atomique de certains corps physiques qui sont déjà dans une prédisposition vibratoire. Et l'accélérant, cela va énergifier les personnes, et les énergisant, l'individu arrive à un taux vibratoire atomique tel qu'il va trop rapidement, ce qui fait que le rayonnement ionisant ne peut pas te traverser, donc ne peut pas venir créer premièrement de destruction atomique chez toi, ni au niveau du code génétique, ni au niveau carrément de ta structure matérielle, et deuxièmement, il ne peut pas non plus te traverser, laissant des traces ionisantes, donc il ne peut pas te rendre radioactif, ce qui n'engendre pas de problématique. Alors, l'être humain, temporairement, a été haussé, et c'est ce qui est arrivé à ces personnes. Ils ont été haussés, ce n'est pas parce qu'ils priaient ou etc., parce qu'il y en a qui est aux toilettes, tandis qu'il y en a qui priaient dans une église. Bon, alors, c'est simplement que leur taux atomique, comme je l'ai expliqué au niveau de l'homme nouveau, a été suffisamment augmenté du point de vue de l'accélération, que ça leur a permis d'avoir une conscience particulière le temps que cela est resté. Étant donné que c'était très passager, ils ont rebaissé en vibration par la suite, ils se sont arrêtés. Passager, mais dans certains cas, ça a duré 24 heures. Parce que les gens ont passé à travers et puis ils avaient un niveau de conscience où il y avait une compréhension beaucoup plus élevée qu'à l'habitude. Ils n'ont pas le choix. Le corps physique pouvait... totalement mental. Ben, le corps physique pouvait maintenant arrêter de l'énergie supramentale à un niveau plus haut que le normal. Lorsque l'homme nouveau va commencer à transparaître au niveau social, eh bien nécessairement la guerre nucléaire, c'est un problème pour les autres, c'est pas un problème pour celui qui en a besoin. Il peut hausser son niveau d'énergie, c'est vrai. Eh oui. Okay. À quel endroit se réfère-t-on si on nomme le nom de Joshua ben Joseph? Chez Joshua. On se réfère simplement à la... On se réfère à la tradition qui... Elle a aussi aux archétypes, dépendant comment on le prononce, qui a été créé, engendré lors de la naissance du Nazaréen et de toute la vie infantile du Nazaréen, tant qu'on le prononçait Josué ben Joseph, qui veut dire Jésus, fils de Joseph. Alors, on se réfère donc à un archétype absolument infantile et à l'archétype dressé par les parents, c'est-à-dire que la vie de Josué ben Joseph, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans la mémoire qui te parle de Shua Ben Joseph, on va avoir affaire à un enfant juif avec ses bigoudis, avec... Ici, je pense que le sens de la question n'est pas ça. À quel endroit se réfère-t-on? Je pense qu'on parle cosmiquement parlant à ce que... On se réfère astralement parlant à l'égrégore juif de l'époque. D'une famille quelconque, non? Oui, de la famille de Joseph, de Marie et de leur lignée génétique. C'est pas de celle-là qu'on parle, je pense. Pas sur notre papier. La question est pour... Bien, on se réfère à une partie de l'astral qui peut permettre de nourrir l'individu et qui peut permettre à l'individu d'aller chercher un peu plus de, les termes sont faux, de compassion ou d'amour lui permettant de mieux supporter un contact supramental au travers de son ego. Quelle est la correspondance qui est en arrière de l'astral, qui génère cette famille-là? Hein? Ben, c'est une correspondance supramentale du nom de Michael. Puis en arrière de cette correspondance-là? C'est une correspondance bouddhique qui porte un autre nom. Lequel? C'est préférable de ne pas trop le nommer pour l'instant. Okay. C'est très frustrant, mais c'est... Dans le journal, non, je suis pas frustrant du tout, au moins on a une idée. Dans le journal de Montréal, il y avait un article sur la cellule et les savants ont détecté que les cellules savaient à quel âge le corps mourait. Ben oui. Qu'en dis-tu? Ben, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut qu'on les dresse, qu'on les instruise. Parce qu'à un moment donné, ils sont connes. C'est programmé dans la structure atomique de l'atome. On a des enfants de 7 ans, de 9 ans, qui sont vieux de 75 ans. On dit qu'ils ont une maladie particulière, le vieillissement prématuré. Toute l'humanité en est poignée. Ce que le journal de Montréal vient de dire, Aurobindo l'a écrit en 1946. Oh, puis bien avant Aurobindo, c'était écrit bien avant. Il y a même des personnes qui ont eu l'audace de vivre 800 ans pour nous le prouver. La cellule, elle fonctionne. J'ai déjà expliqué dans un séminaire à un moment donné de quelle façon la femme se faisait avoir lorsqu'elle devenait ménopausée. Mais de quelle façon elle pouvait aussi travailler pour empêcher cela. Lorsque l'homme avait des relations sexuelles trop fréquentes, qu'est-ce que ça pouvait donner? Et que le corps physique était programmé pour procréer. Lorsqu'on cessait de procréer, il y avait un danger d'être éliminé. Que lorsqu'on avait procréé certaines choses, certains enfants, ou lorsqu'on avait transmis certains phénomènes énergétiques, on éliminait le corps physique de la surface de la planète pour laisser des corps plus jeunes le soin de continuer. Ce qui était absolument intelligent, mais qui à un moment donné devient un peu aberré. Si on peut prolonger ou si on peut carrément éternaliser le temps que cela est nécessaire, la vie d'un corps, d'un véhicule, ça se fait. Pour le bénéfice de ceux qui pourraient se poser des questions, qu'est-ce que tu entends par trop fréquent pour l'homme? L'humain n'est pas prêt encore à entendre la réponse. Une chance que je t'écoute pas. Qu'est-ce qui cause la combustion instantanée? J'aimerais que tu poses ma question. Bon, ben la poser. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une conférence complète. Bon, on va vérifier, j'ai aucune idée. J'en parlais un petit peu, parce qu'on verra si ça peut faire l'objet d'une conférence, la combustion instantanée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la combustion instantanée, c'est que lorsqu'un être humain regarde la télévision, et puis, à un moment donné, ben, il prend en feu, puis il brûle complètement. C'est combustion instantanée. Ça arrive pas souvent. Il y en a 2-3 par année sur la planète qui passent à travers ça. Bon, ça dépend à qui que c'est, mais quand c'est nous autres, c'est beaucoup, puis quand c'est d'autres, c'est pas souvent. Oui, mais pour donner une échelle de grandeur. Bon, alors, effectivement, la combustion spontanée, c'est lorsqu'un être humain brûle totalement. Et normalement, lorsque l'être humain brûle totalement, il va brûler à un degré de température tel que s'il est habillé de métal, le métal va totalement fondre, que si on a des vitres qui résistent à la chaleur, les vitres vont être fondues aussi. Et normalement, la combustion spontanée engendre un incendie corporel qui ne s'étend pas, c'est-à-dire que si tu brûles dans ta chaise, la chaise, on n'en retrouvera pas de grand-chose, mais le plancher, où est-ce que tu auras brûlé, sera brûlé, le reste sera absolument intact, la maison ne passe pas au feu. Lorsqu'on a découvert des traces de combustion spontanée, on a découvert normalement des parties de membres qui n'ont pas brûlé, une main, un pied, une partie de la tête, et le reste du corps est totalement calciné, on ne retrouve pas de morceaux d'os, comme on peut retrouver par exemple lors d'une incinération ou d'un incendie conventionnel. La combustion spontanée va durer entre quelques minutes, aller jusqu'à une dizaine de minutes, et le corps est totalement calciné, il ne reste plus rien. Ils font, ils disparaissent, il y a des intégrations. Ça devient un liquide jaunâtre. C'est ça. Ben ça, c'est pas le corps qui devient liquide jaunâtre, c'est l'ectoplasme. Les os. Ouais, mais c'est l'ectoplasme qui se mélange avec ce qui peut rester des structures du corps et qui engendre un phénomène bizarre. Il y a un individu qui a survécu à ça, il vit encore, c'est un Américain aux États-Unis. Il y a eu plus qu'un, mais... Les bras. Oui. Seulement qu'une partie du corps qui a fondu. Moi, j'appelle ça fondu, ouais. Mais... Ectoplasmisé. Alors, la combustion spontanée, c'est assez complexe à expliquer pour la simple raison qu'il y a différents motifs qui engendrent une combustion spontanée chez certains humains. Il y a certains humains qui sont agressés violemment et totalement, ils deviennent un paratonnerre d'envoûtement allégué à l'échelle de la planète Terre, et à un moment donné, il y a un être humain qui, par son canal réincarnationnel, finit par devenir un paratonnerre total. Il reçoit toutes ces énergies-là en même temps, et le corps ne peut pas supporter ce phénomène atomique, ce phénomène énergétique, et ça engendre un éclatement au niveau atomique, ça augmente la température interne du corps, parce que les électrons, les atomes, s'excitent partout à l'intérieur du corps, pas suffisamment pour engendrer un réchauffement énergétique qui pourrait permettre de contrôler la structure, l'accélération, de supporter l'accélération du point de vue corporel, mais suffisamment pour engendrer un haussement corporel du corps qui finit par engendrer, par mettre le feu totalement, c'est-à-dire qu'en réalité, toute la structure d'oxygène qui habite le corps de l'homme, et l'homme est constitué d'une grande partie d'oxygène, il est constitué d'H2O, il y a beaucoup plus d'hydrogène. L'hydrogène est un très, très, très bon combustible. On le sait depuis l'épopée du Gutenberg, on le savait un peu avant. Et l'oxygène est le seul comburant plausible à l'échelle de la planète. L'oxygène, ça ne brûle pas, mais ça accélère la combustion. C'est pourquoi on a besoin d'oxygène pour faire brûler les choses. Les choses brûlent sans oxygène, mais ça brûle tellement lentement que finalement, on le voit presque pas. Alors, l'oxygène est un comburant, accélère la combustion. Et lorsque l'être humain arrive à un taux de température tel, lorsqu'il devient paratonnerre des forces envoûtantes astrales, eh bien, il explose totalement dans une combustion spontanée qui est extrêmement rapide, combustion d'hydrogène, oxygène, et le reste du corps ne fait que suivre. Ça, c'est une explication des combustions spontanées paratonnerres. Ça, c'est réellement celui qui est né pour un petit pain. Bon, pour le malheur des autres. On a d'autres, on pourrait effectivement en parler longtemps, mais disons que c'est l'explication qui est la plus courante à l'échelle de ceux qui ont des combustions spontanées, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Pour quelle raison 80-85% des cas des combustions spontanées sont arrivés près des cheminées? Près des cheminées, c'est sans doute pour que l'exhaust puisse sortir plus facilement. C'est ce qu'on a noté, Daniel. C'est ce qu'on a noté. Maintenant, c'est faux. Ce qu'il faut constater, c'est que 85% des combustions spontanées sont arrivées dans l'Antiquité. Toutes les maisons étaient chauffées avec des cheminées, des foyers. Et les combustions spontanées arrivent normalement quand l'individu est déprimé chez lui. Mais on a eu quelques combustions spontanées dans des automobiles. Oui, quatre personnes en même temps. Ils n'ont même pas eu le temps de mettre la main sur la poignée de porte. Non, ça se fait, tu brûles. Et comment expliquer justement que quatre arrivent en même temps lorsqu'un canal attire? Ce n'est pas le paratonnerre. Alors, comme je viens juste de te dire, c'est qu'il y a d'autres situations. Alors, il faudrait qu'on prenne cas sur cas. Fait qu'à un moment donné, ça t'intéresse, on pourrait ramener ça en titre. Tu documentes, tu m'amènes chaque cas. Et puis, on pourra éliminer les cas qui font partie du paratonnerre. Et on pourra après ça parler des cas qui sont typiquement reliés à d'autres structures. Il y a des cas qui sont reliés à des contacts à travers des mondes pluridimensionnels. On peut appeler ça des portes du temps, où il y a eu une descente d'énergie trop particulièrement puissante, dans le cas de tes quatre automobilistes. Et il y a différents, jusqu'à certains moments donnés, un contact avec le plan supramental sans ajusteur de pensée, ce qui peut t'envoyer un corps fumé. Il n'y a pas de fumée à part ça. Non, je sais. Est-ce que l'observateur du proton, de son mental, de vouloir observer, crée le mouvement? Et ce mouvement changerait-il selon l'observateur? Le mouvement change selon l'observateur. Maintenant, les observateurs qui ont la même expérience du point de vue astral verront la même chose, parce que collectivement reliés dans les mêmes sphères d'information, dans les mêmes sources, auront donc le même filtre. J'aimerais que tu développes la théorie du noyau électron. Dans quel sens se dirige-t-il? Comment l'électron est-il multiple à nos moyens de vue? Bon, on peut revenir un petit peu plus tard, parce que développer le phénomène, ça peut être très long. Comment se fait-il que certaines matières sont plus énergétiques que d'autres, par exemple le chêne par rapport au plastique? Pour la simple raison que les substances qui sont appelées synthétiques n'ont pas la particularité d'énergie vitale. Toutes les substances synthétiques ont été malléabilisées, soit par un feu chimique, réaction chimique, soit par un feu réel, réaction thermique. Et le problème, c'est que l'énergie vitale tellurique de notre planète est nécessairement détruite par les incendies ou encore par les réactions hautement chimico-thermiques, thermochimiques. Et c'est pourquoi on aura dans le bois ou dans les parties qui sont plus biologiques, plus organiques, plus d'énergie proche de l'homme que dans les parties synthétiques. Mais on est en train, et on va développer très prochainement, des synthétiques hautement proches de l'homme. Pourquoi un jour on aura aussi des aliments synthétiques qui seront absolument parfaits pour nous? L'électron du pot à eau circule donc par la table, par le plancher de la salle qui repose sur le sol de la planète qui, elle, est en contact avec l'atmosphère. Le système solaire, l'univers, etc. Les concepts, tout est un et rien ne se perd, rien ne se crée. Exprime-t-il ceci? Sans savoir pourquoi, mais effectivement, sans savoir pourquoi, lorsqu'ils ont amené ce phénomène de rien ne se perd, rien ne se crée, effectivement, toute la matière est unie et la matière se transforme, elle change. L'électron du verre d'eau ne va pas par la table, au plancher, etc. Il y a aussi l'atmosphère qui se promène simplement, même par rayonnement ionisant, supporté par des particules qui seront oscillantes et en même temps massives, d'une masse qui m'intéresse moi, mais qui n'intéresse pas encore la science, comme les photons. Alors effectivement, tout est interrelié, c'est la forme et la conscience détermine la forme. Lorsque vous vous arrêtez sur une particule, une forme particulière, vous voyez une chose particulière. Et lorsque l'être humain s'arrête collectivement sur une forme particulière, il voit donc la même chose. En l'occurrence, un arbre, une plante, une rose, une fleur, un matou. Maintenant, une chose importante, c'est que chaque être humain voit grosso modo la même chose. Mais chaque humain ne voit pas la même chose. Sentir l'énergie vitale, est-ce près de sentir les cellules? Ça dépend à quel niveau on sent l'énergie vitale, mais si on est capable de sentir l'énergie vitale à travers sa conscience, par le biais de son corps physique, on commence à magnétiser. Alors nécessairement, on est proche des cellules. Qu'il y avait des questions qui étaient laissées dans une autre conférence ou qui ont été mises au début parce qu'ils n'ont pas à faire avec.